Ça part de rien. On parle de tout et pas partage très peu connaître. Émersion, émersion, hip-hop. Volume 2. Ça part de rien, texte à mic, on parle de tout, hip-hop partage très peu connaître. Efficace, simple et correct, dur de calmer la colère. Et si on rêve pas de Lexus ni de Rolex, juste mettre les nôtres à l'abri suffirait. Faut filer sans souci, dans ce monde c'est compliqué. Rien de complexe à piger mes phases. Si t'as un peu de vécu, tu captes, tu sais où tu frappes. Mais dans 10 piges, tu sais pas où tu seras. Tant qu'il y a du kiff, peu importe, mon underground casse les portes. Soldat qui kick avec la force, les triple flow, MDF, détermination, effort et concentration. La dépendance en émergence, c'est ça qui est bon. Des sons passent, on dépasse des ondes. Passionné, validé par les vrais 313 guerriers. Trafalgar, instinct dans les fondations. Youssef à l'instru, encore une compile à se procurer. Écoute la suite, rien n'est terminé. Éternel recommencement. MDF incorruptible. Authentique musique. Éternel recommencement, pull up au pardon rien. On t'a dit qu'on part pas avec lui ou l'autre. Moi je vais pas me la péter comme la plupart à dire que je sors du lot. Droppé en solo dans chaque continent, chaque pays, chaque ville. De la frappe de rap cachée, y'en a trop. Inconnu, on voit plein de gros nuls connus. Les jeunes ne savent même plus qui était Coluche. MDF incorruptible, authentique musique du bon HH. DJ beatmaker, MC graffeur, breaker, hip hop culture, t'as compris, pas de conneries. Ça passe n'importe quand, acharné en session. Inspiré par la réalité, vue d'en bas. Là où on vient, la débrouille est obligatoire. Pour se nourrir, pour se construire, petit laboratoire. Big up et force à Youssef, une pas grande émergence. Hip hop volume 2, si t'écoutes, c'est que t'as le bon produit. Éternel recommencement. MDF incorruptible. Authentique musique. Émergence hip hop volume 2 le bon produit.